À la terrasse d'un restaurant. Asseyez-vous, mademoiselle. Voilà le menu. Il y a tant de choses à choisir. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Aimez-vous les hors-d'œuvre? Oui, mais je veux manger peu. Vous êtes au régime? Non, mais je ne mange jamais beaucoup. Moi non plus. Je vais prendre une blanquette de veau aux champignons. Et vous? Eh bien, quelque chose de léger et de pas trop gras. Ah! De la sole meunière, s'il vous plaît. C'est plus léger que le veau aux champignons. Voulez-vous des frites? Non, merci. Et vous, monsieur? Écoutez, mademoiselle, voulez-vous bien me dire tu au lieu de vous? Ah oui, je veux bien. Mais votre voulez-vous des frites est bien solennel. Et puis, je ne m'appelle pas mademoiselle. Je m'appelle Valérie.